Alors, mais là vous êtes pour le gars, les amis, j'appelle comme ça. Maman perdu, papa perdu, Marie perdu, tout le monde perdu. Maman perdu, papa perdu, Marie perdu, tout le monde perdu.